Oh. Les Lions de Trois-Rivières ont nommé leur nouvel instructeur-chef. C'est fait quelque part en début de semaine. C'est mardi. C'est Éric Bélanger, un gars que tout le monde connaît dans la région de la Mauricie et au Québec, l'ancien joueur de la Ligue nationale. Salut, Éric. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Éric, félicitations d'abord pour le poste de nouvel instructeur-chef des Lions de Trois-Rivières. Monter l'équipe d'expansion, j'imagine que c'est stimulant. Oui, très stimulant, surtout que depuis ma nomination, même si ça faisait un petit bout que je le savais, on a essayé de garder le secret. Ça fait un bout que j'ai commencé à travailler sur le recrutement des joueurs avec Marc-André. Et deux autres personnes qui nous aident. On regarde beaucoup de matchs, on regarde les joueurs québécois, que ce soit en Europe, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis. On est en train de se faire une belle banque de noms. Puis c'est sûr que c'est très motivant. On a beaucoup à faire pour se préparer pour le début de saison. Ça va être excitant, mais on a hâte que tout soit mis en place. Ben, est-ce que 60, j'imagine que évidemment l'identité du Québec va être très, très importante pendant ce temps-là? On regarde majoritairement seulement en ce moment des joueurs québécois. On ne sait pas trop où on s'en va, dans quelle direction, ou le nombre de joueurs qu'on va avoir du Canadien de Montréal, qui sont supposés être à Laval. Je te dirais 95 % de nos recherches ou l'étude qu'on fait sur les joueurs qui pourraient jouer avec les Lions de Trois-Rivières se font majoritairement avec des joueurs québécois. Est-ce que tu as l'intention quand même de tenir un genre de mini-camp pour essayer d'évaluer les joueurs qui vont être là avant tout? Parce que quand même, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, j'imagine. C'est sûr que là, on est dans l'étape la plus importante dans la prochaine semaine. Dans les prochaines semaines, c'est me trouver un staff d'entraîneur, trouver mon entraîneur adjoint numéro un. Et après ça, je pense qu'on va commencer à s'asseoir et regarder la cédule. Avec la pandémie, il y a des choses qui restent encore en suspens par rapport au nombre de gars qu'on va pouvoir avoir au camp d'entraînement. Qu'est-ce que le Canadien va faire? Qu'est-ce que le Rocket de Laval va faire. Fait qu'il y a beaucoup de points d'interrogation encore. Est-ce qu'on aura le temps de tout faire ça? Il y a trop de points d'interrogation en ce moment, mais on est là-dessus. Est-ce que diriger une équipe qui est affiliée avec un club, c'est souvent, il faut que vous adoptez le même système. Je pense entre autres au Rocket de Laval, faut qu'il adopte pas mal le même système que les Canadiens de Montréal pour que le joueur soit prêt et que le joueur soit pas perdu s'il monte dans la ligue. Est-ce que c'est la même chose que vous avez dans la East Coast? Est-ce que la philosophie va monter d'en haut jusqu'en il va descendre jusqu'en bas ou encore toi j'imagine tu vas t'associer directement avec le Rocket pour éventuellement les préparer parce que c'est ça le but entre autres aussi là. Exactement. J'ai pas eu ces conversations-là encore avec Joël ou les gens du Canadien. C'est sûr qu'on sait qu'ils sont tous encore en série. Joël travaille avec le Canadien, avec les Black Aces en ce moment. J'ai pas eu ces conversations-là. C'est sûr que moi, j'ai une façon de jouer qui ressemble pas mal à Joël avec le Rocket. J'aime beaucoup stretcher la game, être très, très agressif sur l'échec avant. J'ai eu beaucoup de succès depuis que je suis entraîneur avec ce style de jeu-là. C'est certain que je vais avoir des points très positifs. Je ne sais pas où on s'en va où là-dessus, mais je sais que mon système de jeu est efficace. Mais je veux dire, c'est un Il faut travail d'équipe. que tu plies au Rocket aussi, puis même aux Canadiens, parce que le Exact. but, écoute, il y a de la East Coast, c'est quoi, 600 joueurs qui ont passé de la East Coast à de la Ligue nationale. Donc là, c'est plus la côte Est qu'on a connue, là, dans les années, début des années 2000, mettons 2000, vous allez jusqu'à 2010 à peu près, là. Pense que les gens vont faire un saut. Comme je disais, ça fait quelques semaines que je regarde les matchs de la CHL et surtout quelques matchs depuis le début des séries éliminatoires. Le Caleb, même moi, il m'a surpris beaucoup. Me plier, tu sais, moi, je pense que c'est un travail d'équipe. J'imagine que je vais avoir des conversations avec Joël, mais en ce moment, personne m'a donné de guideline là-dessus. On n'est pas rendu là. Tant que la communication et le travail d'équipe est là, moi, je suis ouvert à tout. Puis c'est de travailler ensemble et trouver les meilleures solutions pour réussir à gagner. On dit souvent que la ligne est mince, Eric, entre un joueur de la Ligue américaine et le quatrième trio et même le troisième. C'est souvent l'attitude et souvent aussi la confiance du joueur aussi. Donc, ça, ce que je te dis là, c'est la Ligue américaine à la Ligue nationale. C'est la même affaire avec les East Coast à la Ligue américaine. C'est sûr qu'on va avoir des joueurs à l'occasion qui vont nous être envoyés par le Rocket de Laval. Et moi, mon but, c'est de les amener à avoir une attitude positive. Je le sais, je l'ai vécu où je suis descendu de la Ligue nationale à la Ligue américaine. Je n'étais pas content, je pouvais faire la baboune, mais je l'ai appris assez vite que ce n'est pas la façon d'agir. Puis moi, mon message va être très clair, c'est tu redescends à Laval, c'est correct que tu sois en maudit et tu ne vas pas être là, mais tu as deux choix. Soit tu fais la baboune dans le coin puis ça marchera zéro avec moi, ma mentalité, ou on travaille ensemble, tu te retrousses les manches puis on fait un plan ensemble, on trouve des solutions pour qu'est-ce que tu as amélioré puis qu'est-ce qui va te servir à remonter en haut. Tu sais, ça ne sert à rien de faire la baboune puis chialer puis ne pas pouvoir être là parce qu'il va se tirer dans le pied lui-même. Donc, c'est de garder une attitude positive. Puis moi, je vais être là pour aider les gars à remonter. Je ne suis pas là pour les nuire. Donc, dès que tu as une bonne attitude puis tu rentres dans les rangs de ce qu'on veut faire avec notre culture d'équipe, les gars vont être corrects. Tu te donnes combien de temps pour gérer, pour trouver tes entraîneurs adjoints? Est-ce que tu as déjà eu des discussions? Est-ce que ça va être des gens qui sont dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec actuellement? Ça peut même être l'UQTR. Je pense entre autres à un gars comme... Je pense pas que Marc-Étienne Hubert, il a quand même un bon emploi, là. Mais c'est un très bon emploi même de ça. Mais ça peut être quelqu'un même qui est dans la... entraîneur adjoint dans le hockey universitaire, quoi? Écoute, c'est sûr qu'on a commencé à faire notre liste, moi et Marc-André. Je suis à l'étape préliminaire. J'ai quelques candidats. J'ai jasé avec quelques candidats. C'est de savoir l'intérêt, commencer à jaser, de trouver une philosophie qui fit avec moi. Moi, j'ai hâte que mon staff soit monté pour pouvoir commencer, mais je crois qu'il faut prendre le temps de faire les choses de la bonne façon. Je veux parler à tout le monde que j'avais l'intention de parler. Puis après ça, je vais rétrécir ma liste de candidats avec Marc-André. Et puis, ça sera le temps de faire des entrevues. Puis après ça, ben, de décider avec qui je m'en vais à la guerre. Donc, la recherche est entamée. J'ai eu des bonnes conversations déjà. Donc, les choses vont suivre son cours. Monter une équipe d'expansion, Éric, de la East Coast, monter une équipe d'expansion de la Ligue nationale. Quoi qu'on regarde aller à Las Vegas, c'était pas vraiment une équipe d'expansion, là, mais j'imagine que tu peux être compétitif dès la première année. Oui, puis surtout, moi, j'aime pas bien ça perdre. Ouais. Je recherche surtout des joueurs qui vont être contents de Trois-Rivières, des joueurs qui vont vouloir travailler et avoir une attitude positive. Mais avec le nombre de joueurs qu'on est en train de regarder, le sentiment d'appartenance qu'on veut avoir avec les Lions à Trois-Rivières, la connexion avec les partisans, parce que tu sais, c'est un nouveau produit qu'on veut faire découvrir aux gens. Mais honnêtement, je pense qu'on va... tu sais, si on s'en va où ce qu'on pense s'en aller avec notre équipe, on va surprendre du monde. Puis moi, mon but, c'est de gagner à toutes les années. Je trouve des solutions, je veux gagner. J'ai eu du succès dans des niveaux inférieurs depuis mon entrée dans le coaching, puis je ne changerai pas avec ça. Je veux gagner, développer des joueurs, puis avoir des bonnes aptitudes de travail. Ben Éric, je vais te souhaiter bonne chance. Je veux te parler du Canadien quand même, parce que je te vois à RDS souvent, puis écoute, c'est vraiment surprenant. Moi, moi, j'avais mis Vegas en 6, puis je pense encore, il faut que j'aille encore une ma prédiction. Par contre, c'est là qu'on voit que Jeff Petrie, ça change beaucoup la donne. Ça met les défenseurs à la bonne place, dans la bonne chaise. Puis c'est tellement différent. Le match de lundi et mercredi était tellement différent. Bien, tu sais, je veux dire, les Canadiens ont eu un bout de congé. Il y a eu des blessures, des incertitudes dans leur alignement. Les gars sont sortis fort. Tu sais, je veux dire, quand tu es rendu en demi-finale à la Coupe Stanley, c'est parce que tu le mérites. Le Canadien a connu une fin de saison difficile. Carey Price a été blessé. Je pense qu'à 3-1 qu'on est Maple Leafs, le monde avait beaucoup de questionnements s'il allait. Je pense qu'à partir de ce moment-là, ils ont cru en leurs moyens. Le groupe d'entraîneurs a fait un travail exemplaire. Et oui, Jeff Petrie, c'est un joueur avec qui j'ai joué avec les Oilers d'Edmonton. C'est un gars qui fait une grosse différence. Il mange beaucoup de minutes. Il joue dans toutes les situations. Le Canadien fait un bon travail devant Carey Price. Le top 4 du Canadien, ils sont gros. Puis en ce moment, ils sont quand même semi en santé, peut-être à part Jeff, là, mais c'est un travail d'équipe. Il y a une belle profondeur. Puis en bout de ligne, c'est Carey Price qui fait la différence. Hey, de mémoire, Éric, te rappelles-tu d'avoir un quatrième trio pesant qui est capable de jouer au hockey? Moi, de mémoire, là, les dernières fois, ça remonte à Skoglund, McPhee puis Mikey. Hey, ils sont gros, capables de jouer au hockey, imposer le respect. M'a dit en affaire, Corey Perry, là, c'est toute une acquisition cette année. Là. Lui a été exemplaire, il a fait ce qu'il avait à faire. On se rappelle au début, le premier match de la saison n'avait pas été inséré dans l'alignement. Je pense que ça l'a piqué un peu, puis il s'est dit, il a eu la mentalité que j'aime avoir chez mes joueurs. Il s'est dit, hey, Je vais te donner aucune raison de me sortir de l'alignement. Je vais être, non seulement ça, mais je vais être un élément important dans le line-up du Canadien. Puis, tu sais, le mérite lui revient. Il a fait tout ce qu'il avait à faire pour être un leader, produire offensivement, faire les petites choses, être fatigant avec l'adversaire. Puis, tu sais, Rick Stahl, on a eu des questionnements, a été saut quand il a été acquéri des Sabres de Buffalo. Moi, j'ai joué avec Rick Stahl aussi. Honnêtement, depuis le début des séries, ce trio-là avec Armia donne beaucoup d'énergie. Ils sont gros, sont bons sur l'échec avant. Puis non seulement ça, mais ils produisent. Fait, l'expérience, des fois, il faut qu'ils soient un petit peu plus patients avec ça. Puis je pense que la patience de Dominique paye en ce moment. Éric, on va souhaiter bravo, on va souhaiter bonne chance. Écoute, c'est un beau défi. Même si on est au Lac-Saint-Jean, on va suivre les Lions. Parce que quand je parlais avec lundi avec Mark Wegman, puis c'est pas juste une équipe de la Mauricie, hein. C'est une équipe du Québec aussi. C'est une équipe du Québec professionnelle. D'ailleurs, je pense que vous allez annoncer bientôt les droits de diffusion. J'ai pu comprendre facilement. Moi, je pense qu'on va mettre un petit 2 sur RDS parce qu'il y a un lien direct avec le Canadien. Donc, déjà là, le fait d'avoir les Lions à la télévision plusieurs matchs, parce que Marc m'a dit qu'il va y avoir plusieurs rencontres là, pour ça. Fait que, tu sais, ça va. Si c'est comme le Rocket, on va les écouter comme les Rockets, là, puisque quand, tu sais, c'est la même affaire. Hein. Ben, tu sais, nous autres, notre but, c'est d'avoir les gens qui s'attachent à un groupe de majoritairement de joueurs québécois, peut-être inconnus, un calibre de jeu inconnu. Tu sais, honnêtement, il y a vraiment un buzz dans la ville à Trois-Rivières. J'étais là 3 jours. J'ai fait beaucoup d'entrevues, j'ai rencontré du monde. Le travail a été exemplaire de la part de la haute direction, les propriétaires de Marc-André, avec le logo, avec le nom, après ça, ma présentation. Et vous êtes bien couvert. La couverture est excellente des médias au Québec actuellement. C'est pas juste à Trois-Rivières, c'est le Québec. Moi, je suis partout, mais c'est très, très bon. Vous avez une très, très bonne couverture. C'est très bien parti, en tout cas. J'ai été très surpris du nombre de demandes médiatiques que j'ai eues, honnêtement. J'ai fait le saut au nombre de monde qu'il y avait à la conférence de presse. Ça fait 3 jours que je fais plusieurs entrevues par jour. Donc, le buzz est là. Là, nous, c'est de mettre un bon produit sur la glace que les gens vont pouvoir s'accrocher à ça avec un petit peu de pigmentation de mon caractère en arrière du banc. Et un nouveau Colisée qui est superbe. J'ai hâte de voir le tout terminé. Peux-tu comparer à Place Belle? Peux-tu comparer ça à Place Belle comme... Ben, honnêtement, je ne suis pas allé à l'intérieur de la Place Belle, mais de ce que j'ai vu, ça va être un arena d'environ 5000 places avec des loges. Ouais. Nous, on va aller s'installer dans nos bureaux. J'ai vraiment hâte de mettre ça à mon goût puis de commencer vraiment à faire du hockey. Mais l'arena, honnêtement, c'est vraiment bien. Éric, merci beaucoup. Félicitations, bravo. On va sûrement avoir l'occasion de se parler. Ça fait plaisir, bye-bye. Le nouvel instructeur chef des Lions de Trois-Rivières, Éric Bélanger. Éric, peux-tu te rappeler une fois ou deux pour le Canadien, mettons, de sa fin des... Là, c'est ça le problème, c'est que moi, je ne travaille plus à RDS à cause de l'association avec le Canadien. Okay. C'est ce que j'essaie de dire à Gabriel, c'est que moi, je suis comme mal placé pour parler du Canadien. Ouais, t'es plus analyste, ok, je comprends. Parce que t'es associé au Canadien, je comprends la gueule. Ben, tu sais, c'est parce que je ne serais pas moi-même. Ben, si je veux donner ma vraie opinion, les gens... connaissent de même. Je suis comme en conflit d'intérêts. Ah oui, je n'avais pas allumé là-dessus. Il y en a plusieurs qui me le demandent. C'est correct, ça a été positif, mais je ne veux pas comme ouvrir cette porte-là. Là, tu es un employé du Canadien. Exact. Je ne suis plus avec RDS. Je ne fais même plus 11 à cause que je suis rendu associé avec le Canadien. C'est juste Charles, un gars comme... écoute, je suis un gars de la région. Moi, Charles Tremblay, ça dit-tu quelque chose, qui a joué dans les Légions majeures du Québec, qui est allé dans... quelqu'un qui a joué dans les Légions 3 est capable de jouer dans les Ligue East Coast, qui a bien fait... Écoute... Légions 3, tu sais quoi? Oui, je sais c'est quoi. De ce que je regarde en ce moment, les joueurs que je regarde... je serais très surpris qu'un joueur junior 3 soit capable. Ah ouais? OK. Mais honnêtement, les meilleurs joueurs du junior majeur qui sont sortis du junior majeur vont avoir la misère à pas être... Ah, OK, je comprends. OK. Ça va être beaucoup d'Européens qui sont... tu vas rapatrier des... J'aurais juste à poser la question. Non. Ça va être des Québécois qui sont en Europe, qui sont calibres. Ça peut-tu être ça aussi? Oui, j'en regarde des gars d'Europe. Je regarde des gars dans le CHL ailleurs. Je regarde beaucoup de gars dans la ligne américaine qui sont sur un two-way qui pourraient signer avec le Canadien et avec nous. Tu sais, mettons, c'est qui qu'on a signé du junior, là? C'est quoi son nom? Ça peut-tu être des gars même de la Ligue nord-américaine? Ben, ça pourrait. Ça pourrait être sur notre liste de remplacement. Mais tu sais, si on a 150 noms, c'est des gars qui sont pros ou en Europe. Ouais, là, OK. Je vais te le dire, là, le calibre. Tu sais, les joueurs qui sortent junior en ce moment, les Sean Elliman, les Bocage et Desruisseaux, c'est des gars qui ne sont même pas dans les top 6. Là. OK, parce qu'on disait que ce qu'ils disaient que la Ligue nord-américaine, dans le temps, 2-3 ans, ça pourrait compétiner avec la East Coast. Non, impossible. Non? Ah, non, okay. Le junior est une coche en bas. L'universitaire, peut-être, un peu. Fait que ça l'a vraiment évolué. Ça l'a vraiment évolué depuis 5... Depuis... Écoute, ce que je te dis là, je disais ça il y a 3-4 ans, que la Ligue nord-américaine pouvait compétitionner avec la East Coast. Plus maintenant. Maintenant que ça l'a... 26 des 27 équipes où, sont associées avec la Ligue nationale. Ouais, OK. Peut-être avant, quand c'était... Ouais. Mais plus maintenant, pas de ce que j'ai vu, c'est le calibre est vraiment bon. Là. OK, donc ça a monté terriblement. On se rapproche plus de la Ligue américaine que par en bas. OK. Ben, Éric, merci beaucoup, on s'en parle, OK? Merci, bye. Merci, bonsoir.